حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الآية. Mes frères, on va méditer ensemble aujourd'hui avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit d'après le sens: et ceux parmi vous qui abjurent, c'est-à-dire qui abandonnent sa religion et meurent en étant ou en état de mécréance, vaine sera pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et Allah azza wa jalla dit d'après le sens dans un autre verset: oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Maïda 54. Wal murtaddu ibad Allah. Wal murtaddu huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi. Et l'apostat, qu'Allah Azza wa Jal me préserve et vous préserve de cela. Nasallahu Azza wa Jal an ya'afini wa iyyakum. Les apostats, ils disent, l'apostat c'est celui qui devient mécréant après avoir été musulman. Qala al-ulama li'anna al-murtad 'arafa al-haqq wa dakhala fi dinillah bi-ikhtiyarihi wa taw'ihi wa 'atarafa anna al-islam huwa al-haqq. Car celui qui apostasie, comme ils disent les savants, il a connu la vérité. Il est rentré en islam de par son choix. Personne ne l'a forcé à rentrer en islam. Personne ne l'a obligé de rentrer en islam. Et il a reconnu que l'islam est la religion de vérité. وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ الْكَافِرِ الْأَصْلِ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ عَرَّفَ الْحَقِّ عَرَفَ الْحَقِّ. Ce n'est pas comme celui qui est mécréant de base, mes frères. Car celui qui apostasie, il a su la vérité. والتكفير عباد الله حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فليس للعواطف ولا لغيرها مدخل في باب التكفير. انتبهوا إلى هذا. العواطف ما تدخلش فيها التكفير، تكفر الناس هكذا خاطر عامل هذا وعمل هذا. لا يا اخوان، le fait de rendre mes frères mécréants c'est un droit de qui? De toi? Non, c'est le droit d'Allah azza wa jal. puis de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les sentiments et autres n'ont aucune place sur le fait de rendre mécréants les gens. Aynam ibadallah. Faqad akhraja al-Bukhari wa Muslim an Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه وإن لم يكن صاحبه كذلك وكذلك في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما وفي مسلم وإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. أي نعم عباد الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de rendre les gens mécréants sans aucune preuve. نعم عباد الله. Il dit alayhi salatu wa salam, celui qui traite son frère de mécréant ou d'ennemi d'Allah aussi dans une autre version, alors qu'il ne l'est pas, son accusation se retourne contre lui. Et ce hadith, on peut le dire, yani, même, tu traites quelqu'un de munafiq. Tu lui dis, t'es un hypocrite, wa la'udhu billah. Beaucoup, ils disent, t'es un munafiq. Un nifaq, mon frère. C'est pire que le kafir. Na'am, nifaq al-akbar, c'est pire que le kafir. Tu dis pas, y'a munafiq. Ou y'a adou Allah. Ennemi d'Allah, c'est un musulman. Il se prosterne comme toi. Il adore le même Seigneur que toi. Ô ennemi d'Allah, ô sorcier. Et ainsi de suite. Wala'udhu billah. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah fi kitabihi Minhaj as-Sunnah 'ala anna at-takfir haqqu lillah wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa yaqul ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi fi kitabihi al-Kafiyah ash-Shafiyah al-kufru haqqu Allah thumma ar-rasulihi بالنص يثبت لا بقول فلاني في النونية. نعم فخر ابن تيمية ابن القيم ainsi ils disent le takfir c'est un droit d'Allah puis de son prophète, c'est avec la preuve qu'il est confirmé, hein? C'est avec quoi? Avec la preuve qu'il est confirmé, pas بالعواطف, avec la preuve دليل. نعم عباد الله. Et non avec les paroles des gens. لا بقول فلاني والكفر عباد الله انتبهوا إلى هذا عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك. Mes frères, le fait de na'am al-kufr, le fait de tomber dans la mécréance, na'am, tu peux tomber dans la mécréance avec une parole, avec un acte, avec une croyance ou avec un doute. Na'am ibad Allah. أولا بالقول فقد يكفر الرجل بكلمة مثل أن يسب الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بدين الله عز وجل. Avec la parole, mes frères, on peut sortir complètement de l'islam. Un exemple, celui qui insulte Allah عز وجل, celui qui insulte le prophète صلى الله عليه وآله وسلم, celui qui se moque de la religion, il fait des blagues de la religion. نعم. قال ربنا جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالله عز وجل, الاستهزاء بالدين, الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ربما يخرج من الإسلام بهذا الاستهزاء. مفخر الله عز وجل يجي Naam, d'après le sens. Et si tu leur demandes, ils vont certainement te dire, nous étions simplement plongés dans une conversation. Naam, et nous plaisantions. On plaisantait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On plaisantait sur la religion. Ils plaisantaient dans le verset. Nous plaisantions, ils diront. Puis Allah azza wa jalla dit quoi? Dis, qul. D'Allah, c'est est-ce que d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Vous avez bien été mécréants après avoir cru. C'est quoi la cause de la qui sont tombés dans la mécréance? Al-istihza, le fait de se moquer, mes frères. Na'am ibadallah. Qala al-ajma'u al-ulama'u an man sabba Allah jalla wa ala aw sabba rasulahu sallallahu alayhi wa sallam أنه كافر بالله عز وجل، مرتد عن دين الله عز وجل، حكى الإجماع الإمام السحنون والقاضي عياض وابن تيمية رحمه الله، أجمع العلماء إجماع là-dessus. Les savants ils sont unanimes. Il y a pas de divergence que celui qui insulte Allah عز وجل, il insulte son prophète صلى الله عليه وسلم, il sort complètement de la sphère de l'islam. Il sort de l'islam. Il est plus musulman. نعم عباد الله. قال العلماء أما كونه حال الغضب فليس عذر. Le fait que il est en colère. Moi j'ai insulté Allah parce que j'étais en colère. ليس عذر. Ce n'est pas une excuse. Comme ils disent les mashayikh, t'as trouvé qu'Allah Azza wa Jalla a insulté ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Sheikh Abd al-Aziz Ibn Baz rahimahu Allah ta'ala, sabbu ad-din wa sabbu ar-rabb riddatun 'uzma, riddatun 'uzma min al-islam, fal wajib 'ala man fa'ala dhalika an yubadir bit-tawba wan-nadami wal-iqla'. Ay na'am 'ibad Allah. Cheikh Abd al-Aziz ibn Baz rahimahullah qui dit insulter la religion, insulter le Seigneur, c'est en faisant cet acte là, en faisant cet acte là, tu apostasies. Na'am, tu te dois de te repentir directement. Na'am 'ibad Allah, tawba nasuha, de regretter et de cesser de suite les trois conditions. Pas t'insulter Allah et tu vas prier directement comme ils font wallah wallah wallah al-musta'an dans les pays musulmans. Ils ont trouvé qu'Allah azza wa jalla insulté, il va prier. Et après, il faut que tu aies 303 conditions, comme ils ont dit les savants, pour que ta prière elle est valable. Na'am ibad Allah. Qal ibn Taymiyyah rahimahullah, fi kitabihi sar il maslul, fa idha kaffarat al sharia bil istihza, fa sabu min babi awla. Li'an al istihza, ou li'an al sab, ashaddu min al istihza. Ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit, la charia, notre religion, elle rend mécréant celui qui se moque de la religion, de son prophète et de ses versets. Donc celui qui insulte, c'est encore pire que celui qui se moque. Ashaddu min al-istihza. As-sab, ashaddu min al-istihza. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfiru Allah li wa lakum fa astaghfiru. Innahu huwa al-ghafuru al-rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله، وكان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه لما طلب منه وأكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم سبه، ونزلت هذه الآية قول جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية. L'histoire qui est connue de Ammar ibn Yasir, un compagnon dont, dans l'histoire vous connaissez tous, ils ont tué ses deux parents devant lui. Ils ont écartelé sa mère, subhanallah, devant lui. Et ils ont étranglé son père pour qu'il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a insulté. Quand il a vu ses deux parents, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était en deuil, il a perdu ses deux parents le même jour. Assassiné lâchement parce qu'ils étaient croyants. Étranglé, sa mère écartelée devant lui. Imaginez-vous cette scène, mes frères. Les deux parents. Il a insulté le prophète. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant. Il a dit, ah Rasulallah, je t'ai insulté. Oh, mais je t'ai insulté. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa in'adu fa'ud. S'il recommence à te faire ça, re-insulte-moi. C'est pas Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde et clémence. Il a révélé ce verset où Allah Azza wa Jal dit, Na'am, man kafara billah, celui qui a mécru après avoir été croyant, illa, sauf celui qui a été contraint, forcé. Wa qalbu, et que son cœur, il est plein de foi. Ammar, il était plein de foi, radiyallahu ta'ala anhu. Ainsi que ses parents, radiyallahu anhum. Donc, il est excusé, celui-là. Hadha ma'dhur, il est excusé. Wa al-kufru ibadallah aydan, yakunu bil-amal. Et la mécréance aussi, tu peux être tombé dans la mécréance avec un acte. كأن يبول على المصحف سي لورين سور ان كوران او يقتل نبيا كما يقول سابا او يتوي ان بروفيت او يسحر الناس يفي دو لا سورسيلري سور دو الاسلام لا كيفي دو لا سورسيلري سي ان اكت كيفي سورتير دو الاسلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سليمان ا با ايتي مي كريون مي سي لي شياطين كي زو ايتي مي كريون يعلمون الناس شنو هو السحر التعليم السحر كفر او يسجد لغير الله او يذبح لغير الله الى اخره كاكا كي سو بروستان بو نوتك الله كي في دو لا سورسيلري نعم وكي كي ساكريفي بو نوتك الله يتوم دو لا ميكرونس وكذلك الكفر يكون بالاعتقاد مثل يعتقد ان هناك اله اخر مع الله او احدا يعلم الغيب مع الله دو لا كونفيكسيون دو لو دوغم tu crois dans ton cœur qu'une autre personne gère l'univers à part Allah azza wa jal ou qu'une autre personne connaît l'invisible à part Allah subhanahu wa ta'ala وعباد الله كذلك الكفر يكون بالشك le doute aussi le fait que tu as un doute de la religion tu as un doute du prophète sallallahu alayhi wa sallam كما شك في وجوب الصلاه في وجوب الصلاه او الزكاه il a un doute sur l'obligation de la prière non la prière c'est pas obligatoire non zakat c'est pas il a un doute il est hésitant نعم او ان لا اصدق الرسول لا اصدق الرسول ولا اكذبه يعني جي moi je rends pas véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais je ne traite pas de menteur يعني il a un doute نعم ارتجع والشك هو التردد بين امرين الشك هو التردد بين امرين le doute c'est quoi c'est tu hésites entre deux choses c'est ça un doute نعم t'as pas la certitude اذا عباد الله الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك وقد حكى الاجماع اسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى نعم mes frères donc quelqu'un il peut apostasier avec une parole, avec un acte, avec une croyance ou avec un doute. Et il y a consensus dans cela. Qui a fait ce consensus? Ishaq ibn Rahawi, un grand savant de l'islam. Allahumma hiyna ala tawhid wa sunnah. Allahumma hiyna ala tawhid wa sunnah. Allahumma hiyna ala tawhid wa sunnah. Wa amitna ala dhalika. Ya hayu ya qayyum. Ya dhal jalal wal ikram. Allahumma arfa' hadha al bala. اللهم ارفع هذا البلاء اللهم ارفع هذا البلاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين